إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد بعد ما كملنا بفضل الله تعالى كتاب الممتع الذي هو شرح الأجرمية المقدمة في النحو بإذن الله تعالى سنواصل في هذا الفن الذي هو النحو بدراسة كتاب متممة الأجرمية. طيب متممات الأجرمية بتعليق أبي أنس مالك ابن سالم ابن مطار المخزري في المام وطيق الممتع. المام وطيق الممتع و هذا الكتاب مؤلفه هو كما ذكرون في المقدمة محمد ابن عبد الرحمن الرعيني المعروف بالحطاب. الحطاب اللي كوني par le surnom de الحطاب. C'était un faqih du mazhab maliki et c'était quelqu'un du tasawuf كذلك Soufia. Et son origine est du Maroc. Aslou Maghrebi. Mithl Ibn Ajroum, كذلك, من المغرب. Naam, il est né à Mecca dans l'année 902. Voilà aux kutub Kathira, Minha ذكر كتبا في المذهب المالكي وفي أصول الفقه وذاك الكتاب il a plusieurs livres dans le fiqh, أصول الفقه et ce livre là et توفي il est mort en 954. قال ومتممة الأجرمية à la base متممة c'est هو اسم فاعل من تمم يتمم بمعنى ماذا كمل le fait de compléter une chose كما في قول الله عز وجل وتمت كلمات ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا طيب que les paroles les meilleures paroles de ton Seigneur sont achevées c'est-à-dire ont été accompli sur les fils d'Israël lorsqu'ils ont patienté. Il les allusions aux ceux qui ont cru, qui ont patienté face au méfait de Pharaon. Donc, ma'na hada mutammimat al-ajrumiyya, c'est-à-dire un parachèvement, un complément de l'ajrumiyya. C'est-à-dire, il a rajouté des abouab. الأصل هو الأجرمية والمؤلف زاد على ذلك أبواب أخرى ومسائل أخرى مأخوذة من المتن يعني يسيت المتن et après il rajoute des choses sur le متن يعني c'est l'ajrumiyya en مفصل mais c'est un متن à la base c'est pas un شرح de l'ajrumiyya juste rajoute des choses que l'ajrum n'a pas cité et que lui voit comme étant importante très importante à citer. Il y a des nouveaux abouab, des nouveaux chapitres qu'on n'a pas pris dans la Jurmiya comme l'Ishtiral, ou le Ta'adjoub, ou l'Adad, ou le Waqf et autres. Naam. Donc, il y a chacun man darasa dal kitab yartaj n'yakun kod atkana al-ajrumiyya. Ce livre, la yonasib il est man kod darasa al-ajrumiyya ou atkana. Ou même s'il n'a pas déjà étudié la Jurmiya, c'est quelqu'un qui a des bonnes bases en langue arabe. Quelqu'un qui ne connaît rien, il commence pas par les jurumiyya, par le mutammima. Il commence par le début. Tadarrujan. Donc là, comme Zakarna, les masa'il, les latikod marrad bina fil ajrumiyya, qu'on a déjà pris auparavant, ça n'a mishé alayha, sari'an. On nous rakkise à l'al-jadid. Le plus important, c'est ce qui est de nouveau. Et les anciennes masa'il, nakra'aha, moukin nakhouz i'araban, akada, à la tariq, mbab al-mithal. Lakin, ahamshi, c'est ce qui est de nouveau dans ce livre-là, qui va, sur quoi on va plus se concentrer. Biznila ta'ala. فقال المؤلف الحطاب طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد لا قيدي والصلاة والسلام على سيدنا الصلاة معروف وثناء الله على عبده c'est que Allah fasse les anges de son serviteur وسيدنا محمد le سيد يعني يترجم بال comme étant le maître حول هذا يعني في الصلاة عليه لم يأتي نص بذكر السيد les textes sont venus avec la salat sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam Bilov Sayyid, c'est pas venu. Qala wa ala alihi wa sahbihi. À la base, al-ahl hum al-aqarib, sont les proches. Al-ahl, tamam? Al-ahl bilha ba'd al-hamza, c'est les proches. Wa al bi mad al-alif هم الاتباع هم الاتباع sont les suiveurs كما في كل عز وجل وادخلوا آل فرعون شد العذاب les faites rentrer maintenant c'est quoi les suiveurs de Pharaon ce ne sont pas seulement sa famille tous ses suiveurs ont pu dur des châtiments لكن هنا كانه يريد اهله دي فون دي اهل اون veut le اهل وقال وصحبه يعني سي اصحاب الصحابه من هم الصحابه من قال مؤمنا به ومات على الاسلام ولو تخلل برده نعم احسنت يعني ceux qui ont rencontré le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne soit-ce qu'à même un instant après les sahaba diffèrent en darajat certains sont de plus haut niveau que d'autres certains ulama ont voulu mettre un khilaf fi ta'rif al-sahabi wa sahih wa hadha et ceux quand tu vois des aqwal qui citent مثلاً comme le Asar de Saad ibn Jubair qui est en somme yathbut qui dit que le sahabi c'est celui qui aura fait qui aura été avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam au moins deux ans et qui aura fait au moins une ou deux conquêtes avec lui. Lakin al-athar la yathbut. Walaw thabata yukhalif tamam ma ja'a fi al-adilla al-ukhra. Après les sahabi, n'am, il y a les khawas, les sahaba al-kibar, ceux qui ont longuement accompagné le Nabi sallallahu alayhi wa sallam comme ceux qui sont soumis fi awal risala. مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه مثل علي هؤلاء بلا شك يتفاوتون من الصحابي يطلق على كل من تمام لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ثم قال وصحبه أجمعين وذن طيب سؤال ما يعلم اجمعين هنا لا التوكيد أجمعين التوكيد. نعم. وبعد قال وبعد الأحسن c'est de dire amma ba'd, car وبعد dans le texte n'est pas venu dans les hadiths. الأحسن أن يقال أما بعد. Le meilleur c'est de dire amma ba'd. قال فهذه مقدمة في علم العربية. C'est une introduction dans la langue, dans la science de la langue arabe. يعني يريد بها ذلك خاصة النحو. Il veut le nahu par là. والنحو قد مر بنا التعريف المتممة في الممتع. La définition c'est quoi? علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلمة. تمام؟ إعرابا وبناء. C'est une science par laquelle on connaît les fondements pour savoir la fin d'un mot par rapport à son irab ou son bina. Ama ilm al-arabiya da shay awsa' aslan, c'est plus large que le nahou. Ça englobe d'autres choses. Mais lui veut dire par là le nahou. قال متممة لمسائل الأجرومية تكون واسطة بينها وبين غيرها من المطولات. Donc c'est un livre qu'il a voulu faire qui complète l'ajrumiyya dans les masa'il, qui est entre les livres concis comme l'ajrumiyya et les livres qui sont eux plus longs. Dans les livres que tu vois dans le nahou, ils sont très longs. Il a voulu faire un milieu entre les deux. نفع الله بها كما نفع بأصلها. Il a fait un dua que Allah apporte le profit par cette risala, comme il l'a fait par son origine qui est l'ajrumiyya. في الحياة وبعد الممات إنه قريب مجيب الدعوات. نعم. Donc là, c'était la mukaddima allati jabiya al-mu'allifu rahimahullah ta'ala fil kitab wa 'amal al-muhaqqiq Abi Anas. Son travail, c'est pas vraiment un charh, c'est un tahqiq. D'accord, c'est un tahqiq, mais maintenant ça fait office de tawdih fi kathir min al-masail. Thumma dakhala mubashara fi al-kitab. البداية معروف فسنمر عليه إن شاء الله. قال أولا الكلام وما يتألف منه. الكلام de quoi se compose. قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. هذا قد مر بنا في المتممة. أصلا الكلام لغة هو اللفظ المفهم. Une parole qui amène à comprendre. Nous, on traduirait kalem par parole en français. Al-lawz, maza kunna l'an al-lawz. Naam. Sot mujtamil, à la barre de choufle, il y a hija'iyya. Al-murakab, maman al-murakab, zakarna. Naam. Ça propose de un ou deux mots minimum. De deux mots à fois ou plus. Al-mufid. نعم يعني si tu parles, quand tu t'arrêtes de parler كلام مفهوم واضح, pas besoin d'autre chose. وبالوضع نعم بوضع العرب. Parce que ce que les arabes ils ont employé. وهنا أضيف ماذا القصد كذلك. يعني أن كلامك قصدته, une parole que tu as voulu toi-même dire en fait. لهذا قيل أن السكران كلام أول سبي كلام. Celui qui est ivre, qui est sous, مثلا, أو حتى الذي مثلا يتكلم في شدة الغضب أو في الجنون, il est pris de démence, ou dans une colère ou on ne sait plus ce qui se passe, يقال أن كلامه غير المقصود. Ce qu'il dit n'est pas forcément ce qu'il a voulu. كفي الحديث عن أناس ذاك الرجل قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فبعضهم قالوا أن كلامه ليس بكلام. لكن الكلام في المسألة لا. يعني غير مجمع عليها. C'est pas. On va dire son كلام غير معتبر. فهمت؟ هذا بلا شك. Chal'an, déjà, ce qu'il a dit, c'est pas pris en compte. Et même auprès des gens, ce qu'il a dit, c'est pas pris en compte. Chal'an ne sait pas ce qu'il a dit. قال وأقل ما يتألف بي أو يتألف من اسمين نحو زيد قائما. نعم. هذا هو الأقل. Minimum. Deux mots. ما في تحت. وقد يزاد على هذا. وتعلم أن أن هناك ليس جملة إلا وفيها اسم لابد من وجود اسم d'accord, ça on l'a déjà dit, c'est obligé, tu peux trouver des phrases sans verbe mais des phrases sans اسم ما يوجد وكذلك جملة بدون رفع شيء مرفوع كذلك ما يوجد obligé, il y a un اسم مرفوع dans une phrase, c'est obligatoire لهذا يقال أن المرفوعات هي العمده كما ذكرنا دي بيلي دون لا فراز اون سي باس با tu ne trouveras pas une phrase sans qu'il y ait un اسم au minimum مرفوع dedans. فزيد قائم هذا زيد مبتدا وزيد قائم خبر سي لي مينيموم كو بيس تروفي يعني من اسمين او من فعل واسم نحو قام زيد تمام سواء كذلك un fi'l avec un ism. Le fi'l est son fa'il, est son sujet. طيب اليوم سنقف هنا ان شاء الله ومن الغد سنواصل الناس كنا قبل هسه ان شاء الله يكفي في كفايه كما فعلنا في الممتع طبعا الايات مثل هذا لن ترجم المعاني on traduira pas tout et encore moins les exemples هذا الكتاب يدرس لمن له المستوى هذا الكتاب يدرس لمن له المستوى هذا نعم وهذا الكتاب مثل الأجرمية أصلا ألف لأجل ماذا الناطقين باللغة العربية ليس للعاجم الذين ما يفهمون الكلام ça c'est pour des arabes au fond à la base هذه الكتب c'est pas comme les kutubs de Médine c'est pas il va t'apprendre ça veut dire quoi tel mot ou tel mot voilà le mot tu le connais il veut que tu comprennes la règle هذا قصده فالذي ليس له قوة في التعبير ولا في الكلمات لا في الفوكابولير او كوا هذا الكتاب ليس له نعم مفهوم هذا طيب فإلى هنا والحمد لله رب العالمين